l'alcool et les drogues enchanteresses. La jeunesse oublie que l'oisiveté du vice est maîtresse. Omnibulée par les signes extérieurs de richesse, les jeunes de famille modeste deviennent des adultes maudits d'ange. Tu peux passer à démon, les insulter, les sermons, on balise notre chemin. Tout porte à croire qu'on vit dans une mascarade ou dans une charade qui vire au charabia. Le reflet de la réalité se reflète dans nos pupilles. Trop d'utopie, on fait de nous des insoumis. La marginalité est devenue notre refuge. Leur nationalité et leur loi en refus. À quoi bon nager en notre trou? Les années passent, nous nageons en notre trou. Je cherche une âme qui pourra m'aider. Génération désenchantée. Désenchantée. Ma génération. Désenchantée. Ma génération. Désenchantée. Ma génération. Désenchantée. Ma génération. Désenchantée. Ma génération. Désenchantée. Ma génération. Désenchantée. Ma génération. Désenchantée. On veut aller au centre, garder la santé. Alors on chante pour que le ciel nous aide. Génération des aides et des enchantés. Rien qu'on déchante et qu'on est tenté. Descente au royaume hanté. C'est la détente qui détruit ce qu'on a enfanté. Enfance désabusée. Et quand j'évite nos tabous, on me dit Youssou t'abus ou bien t'abuses. Tu crois que ça m'amuse donner mon sale avis? Surtout qu'aujourd'hui c'est le premier jour du reste de ma vie. On nous ravit le bel avenir qu'on fait. Et quand je fais les comptes, je me rends compte que tout compte fait, c'est pas un compte de fait. Ce que je fais compte, c'est de la bombe. Ce que je fais contre le monde me fait honte vu que je fais le con. Et le comble, c'est qu'à l'horizon on dirait l'aube. Mais on l'ignore parce qu'on est jeune et con comme dirait l'autre. Jeunesse explosive, potentiel plausible. Stopper les applauses, putain, un autre monde est possible. Désenchant, ma génération. Désenchant, ma génération. Désenchant, ma génération. Désenchant, ma génération. Désenchant, ma génération, génération, ma génération, génération, ma génération, génération.